Nous saluons chaque frère et chaque sœur au nom de Jésus-Christ. Nous inclinons nos têtes, je vais dire un mot de prière. Dieu notre Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous venons devant toi. Sachant que tu es un Dieu qui ne te répand point. Tu es fidèle à tes promesses. Tu es fidèle à ta parole. Quand toi tu appelles quelqu'un, tu accomplis ce pourquoi tu l'as appelé. C'est ainsi que nous sommes rassemblés cet après-midi. Et même nos frères et nos sœurs qui suivent en ligne, nous croyons fermement que chacun de nous a un témoignage dans son cœur de comment tu l'as attiré vers toi dans le seul but, Seigneur, de réaliser tes promesses dans chacun de nous. Fais-le encore cet après-midi. Brise le pain pour chacun de nous. Nous le demandons avec foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous invitons à vous tenir debout. Nous prenons Genèse 24. Verset 58. Genèse 24, verset 58. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent: veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Que le Seigneur bénisse la portion de l'Écriture. C'est depuis mardi que nous parlons de ce sujet, le temps des décisions. Pourquoi ce sujet est-il important pour toi, mon frère, et pour toi, ma soeur? Parce que toute la vie chrétienne est liée à des décisions. Sans décision, on ne devient pas chrétien. Sans décision, il n'y aura même pas la foi en toi. Nous sommes les produits de nos décisions. Même l'habillement que tu as, tu t'es décidé de porter ça ce soir. Les chaussures, c'est le fruit de ta décision. Même les études, le travail, même toute la vie de l'homme est liée à des décisions. Mais en particulier dans la vie chrétienne, il faut que l'homme soit amené à décider. Parce que sans décision, Dieu ne peut rien faire avec un homme. Dieu vient agir sur base de ta décision. Tu veux vivre la parole et tu te décides de vivre la parole, c'est sur base de ta décision que Dieu vient agir. Quiconque se désintéresse de la parole de Dieu, Dieu aussi se désintéresse de lui. Amen. Amen. Et pourquoi ce temps particulièrement? Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, c'est la parole prophétique qui nous concerne, nous les gens de l'Odyssée. Apocalypse chapitre 3, Apocalypse chapitre 3, verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ce sera ça la caractéristique des gens du temps de la fin. Maintenant, qu'est-ce que Dieu conseille? Puisses-tu être froid ou bouillant? Décide-toi. Soit tu es froid, soit tu es chaud, soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Le juste milieu n'existe pas dans la foi. C'est ainsi que Dieu nous conseille comme ça. Soit devenez chrétien, soit abandonnez tout simplement la foi. Dans la prédication l'invasion des États-Unis, je crois dans sa citation 231, à moins que je me trompe, le Saint-Esprit conseille ceci. Il dit, soit vous venez à l'église pour devenir chrétien, ou soit vous venez à l'église pour accepter de rester membre seulement. Mais nous croyons que chaque frère et chaque sœur, tel que nous sommes rassemblés ici, chacun de vous ne vient pas pour devenir membre. Chacun de vous vient, c'est pour devenir chrétien. À moins que vous ayez un agenda caché dans votre cœur. À moins que vous soyez un Ismaël parmi nous. Amen. Amen. Mais nous nous tenons ici parce que nous croyons qu'il y a un Isaac pas ici dans cette église. Et Dieu suscite le ministère dans cette église parce qu'il y a un Isaac, il y a une Rebecca. Voilà pourquoi Dieu apporte la parole. Amen. Amen. Soit vous êtes déterminé à devenir chrétien et Dieu vient vous soutenir, soit vous ne l'êtes pas. Et dans ce cas, les choses de Dieu ne vous concernent pas. Dieu vous laissera dans cette église pour être seulement un membre, un bon membre, et c'est tout. Dans ce cas-là, vous n'êtes rien qu'un œuf hybridé. Amen. Je n'aime pas quelqu'un ici qui aime devenir l'œuf d'une pondeuse. Amen. Amen. Jusqu'à hier, je voudrais faire un petit résumé rapidement parce que j'aimerais clôturer tout demain. Dimanche, on se consacre seulement au mariage. Regardez, il y a même un frère qui m'a appelé, il m'a dit « Bilo Ranjika Kutabluatu Kubion ». Depuis mardi, nous parlons de ceci. Abraham est le type de Dieu, le Père. Baba. Isaac est le type de Jésus-Christ. Rebecca est le type de la véritable église épouse. Eliezer est le type du messager de l'âge, en même temps le type du Saint-Esprit. Et tous, c'est le type des élus. Amen. Nous pouvons prendre un à un. Il faut que l'élu qui est ici se retrouve depuis leur appel, l'évolution de leur foi dans la vie jusqu'à la fin. Il y a toujours une action divine dans l'appel d'Abraham, dans l'appel d'Isaac, dans l'appel de Rebecca et dans l'appel d'Eliezer. Amen. Amen. Mais ce qui est vrai, lakini, kini, kwa, kia, tel kwen, que nous sommes ici, tukwa, il n'y a pas que des élus. Il y a aussi Ismaël qui est là. Tena, Ismaël, na, il y a aussi les enfants de Ketura. Na, tena, des gens qui viennent kuya, sur base des arrangements humains seulement. Na we kuya ko wa mukanisa yetu. Toi deviens aussi membre de notre église. Tout en zato kusaidia. On voit comment ça vous aider. Na yane chika na kwatu wa mukanisa mukambof tabernacle. Accepte de devenir seulement un membre du Kambof tabernacle. Na eko na chika tu bana musaidia. Et il accepte qu'il soit aidé. Ana kosewa chakula bana mupa makuta. Il manque à manger, lui donne l'argent. Ana kosewa eko na kirio bana muassiste. Il a deuil, on vient comme tu eko na fête tu na musaidia. Il a une fête, on ana zala tu na musaidia. Il a la couche, on vient l'assister. Amen. Amen. C'est ainsi que vous voyez, quand Dieu parle d'Ismaël, il dit c'est un âne sauvage. Anasema ni mpunda moyo wa pori. Aishina kiri ni pumbafu. C'est un insensé. Amen. Amen. Ye ekonona tu ekona ishimamira pa kubintu bya kimwili. Lui s'arrête aux choses charnelles. C'est ainsi que vous voyez. Le Seigneur Buana, parlant à Abraham au Ibrahim, sujet d'Ismaël. Dieu promet. Mungu analaka. Acha tu ntamubariki hakuna mambo. Atakuwa na mali sana. Il aura beaucoup de biens. Kunaisha ye njo pale mambo yake na shimamiria. C'est là où se termine son problème. Amen. Amen. Ni bantu bamoya. Ce sont de tels gens. Il se contente de danser dans l'église, de voir des choses superficielles, mais n'entre pas en profondeur. Je suis ici, c'est pour que je puisse aller au ciel. Vous savez pourquoi vous pouvez voir Ibrahim en distribuant ses biens? Ces derniers les a donné seulement des dons, il les a chassés loin. Il est resté avec Isaac. L'héritage est resté pour Isaac. Et ce que nous appelons tout le bien d'Abraham, c'est le Saint-Esprit qui a été donné à Isaac. Pour faire d'Isaac l'héritier principal. Isaac a mais aux autres, dans Genèse 25 qu'on a lu avec vous, c'était des dons. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a éloignés d'Isaac. On a lu ça. Amen. Amen. Pourquoi je dis que tous ces quatre personnages représentent la catégorie d'élus? Frère, si vous ne vous retrouvez pas dans votre appel, dans vos expériences, dans votre foi, vous ne vous retrouvez pas dans ce qui est arrivé avec Abraham, ce qui est arrivé avec Isaac, ce qui est arrivé avec Rebecca, ce qui est arrivé avec Eliezer, je doute fort que vous soyez élus. Ouvrez bien les oreilles. Je doute fort que vous soyez élus. Observez. Pour que cet homme Abraham quitte sa patrie, quitte sa famille, quitte son pays de naissance, il y a eu une rencontre entre le Dieu Tout-Puissant et Abraham. Il vivait comme un idolâtre dans ce que nous appelons actuellement l'Irak. Il ne connaissait ni vrai Dieu, rien du tout. C'était ça notre cas, nos cas, nous tous. Mais il y est arrivé un jour, une voix a parlé à son cœur. Et Abraham ne pouvait pas s'en passer. Depuis ce jour-là, écoutez comment Hébreux 11 parle. Je crois Hébreux 11, verset 8. On peut lire ça. Hébreux 11. Pour que je ne me trompe pas. Hébreux 11. Verset 8. C'est par la foi. Comment est-ce que c'est par la foi? C'est-à-dire, Dieu a parlé à cet homme. Depuis Abel, vous allez constater, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abel offrit une bête. Nyama. Qui lui a dit que Abel, pour bien adorer, il fallait une bête. C'est Dieu qui a révélé ça à Abel. Et Dieu ne l'a pas fait avec Caïn. Pourquoi? Il voulait que Abel soit sa propriété. C'est ainsi que vous allez remarquer tout le chapitre 11. Il est toujours dit, c'est par la foi. C'est par la foi. Qu'est-ce que c'est? Une rencontre particulière entre Dieu et la sœur et le frère. Suivez maintenant. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, donc Dieu est venu vers la personne là, il a frappé à la porte de son cœur, il l'a convaincu et il lui a dit, c'est moi Dieu, moi ce message. Si cela n'a pas eu lieu dans ta vie, tu es un Ismaël au milieu de nous. Amen. Amen. Naanza kuangalia vile ulikuwa kuimani. Regarde comment tu es venu à la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit, akati, accepta, akaichika, de partir. Mkutoka. C'est ainsi que tous ici, frères, tulichika kuacha dunia, nous avons accepté d'abandonner le monde, de quitter les dénominations. Et j'accepte. Unechikia nini? Vous avez accepté pourquoi? Mais mouro miko nasema job ya kweli. Mais dans mon cœur, je disais que c'est ça la vérité. C'est ça le vrai Dieu. Les élus sont ici. Vous allez vous retrouver. Utajio na mona wewe. Obéi est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Écoutez maintenant. Il partit sans savoir où il allait. C'est comme ça que nous sommes ici sortis. Bon, démontrer que c'est mon message, n'y a bien quoi. Je ne sais pas. Mais j'accepte que c'est ça la vérité. Ah, tu as bien vu à Branham. J'accepte que c'est ça la vérité. Bandou. C'est très difficile d'expliquer comment on a cru. Au début là, vous trouvez une opposition. Des gens de votre famille, des amis, veulent te décourager. Mais une conviction s'élève en toi. Et te dit, persévère. Et à un moment de la vie, une fois te dit, pour bien évoluer, abandonne tous tes amis. Et je dis que je les abandonne. Donc, on a ce mon ami. Et tu dis que tu as cru. Oui, mon ami. Dio, je tout connais. Nous allons voir. Tu tournes comment t'avances. Nous verrons que si tu vas avancer. Frère, Bandou. On a regardé ce regarde. Oui, une fois t'a dit, avance seulement. Sans savoir où j'allais. Mais seulement une conviction. C'est comme ça que cet homme est parti à 75 ans, prenant sa femme et ses travailleurs. Il est parti. Ce n'était pas facile. Comme ce n'était pas facile pour nous, ce n'était pas facile en son temps. Amen. Amen. Quand il est parti là, il n'y avait rien. À quoi que tu Dieu lui fait des promesses, mais matériellement, lakini, il n'y avait rien. Na il a commencé à errer. Je te disais que c'est ces choses que tu as suivies de Branham. Tu vas souffrir. Tu seras errant. Mais dans notre errance là, on était content de savoir qu'on a eu Dieu véritablement. La parole vraie est avec moi. Mais matériellement, il n'y a rien. Mais une conviction me disant que j'ai Dieu maintenant. C'est comme ça qu'on marchait tous. Et c'est comme ça que vous, nos enfants, nous vous amenons ici, pas pour faire de vous des membres. Il faut qu'un jour Dieu puisse parler particulièrement à ton cœur. Amen. Amen. Vous allez le voir, ce que j'ai dit au Moutayona, sujet des enfants, vous allez le voir dans la suite ici. Moutayona. Amen. Amen. C'est comme ça que nous vous disons, et tous, c'est le type des élus du Nouveau Testament. Prenons Isaac. On avance rapidement. Regardez ce jeune homme. Comment est-il venu au monde? Quand vous regardez Ismaël, c'était un arrangement humain entre Abraham et Sarah. Katikati ya Ibrahim na Sarah. Et Ismaël est venu au monde. Na Ismaël na kuya. Mais quant à Isaac. Sasa kwa Isaka. D'abord la parole. Neno. Amen. Amen. Et quant à nous. Na d'abord ce qui nous a frappé. Kwanza c'est la parole. Ilikuwa ni neno ya Mungu. Amen. Amen. C'est la parole. Ni neno. Frère. Banduku. Qui a sonné dans nos cœurs Jori, comme un coup de foudre et je ne pouvais foudre. Pas résister et tu ne pouvais pas résister na wapi ya kuweza kushindana. C'est pourquoi la Bible ajoute vous comme Isaac, sawa Isaac vous êtes des enfants de la promesse ya nous on a entendu des promesses Chef, de ce jour nos cœurs ne pouvait pas se contenir. Le message, frère, a stimulé nos cœurs, a stimulé nos vies. Et nous nous sommes dit, il faut s'engager dans cette chose. Amen. C'est ainsi que ce jeune homme est venu aussi. Je vous avais dit, même quand Abraham s'est décidé pour son mariage, ce jeune homme était conscient que moi je suis différent de tout le monde. Il avait 40 ans. Il ne voulait pas s'essuyer. Amen. Prenez Genèse 24. Je vous montre ça. Genèse 25 plus tôt. Mwanzo sura makumi mbili na tano. Genèse 25. Makumi mbili na tano. Verset 19 et 20. Mstari kumi na tisa makumi mbili. Voici la postérité d'Isaac. Azama uzao ya Isaka. Fils d'Abraham. Mwana wa Ibrahim. Abraham engendra Isaac. Ibrahim wakaza Isaac. Isaac était âgé de 40 ans. Isaac alikuwa na umri ya miaka 40. Quand il prit pour femme Rebecca. Wakati akaoa mwanamke Rebecca. Frère, même quand Abraham décidait sur le mariage d'Isaac, Isaac avait déjà de certaines expériences surnaturelles sur sa vie. Sûrement qu'Abraham lui disait, toi tu es différent de tout le monde. C'était ça la prédication de chaque jour. C'est ainsi que même à nos enfants de l'Écodime, les moniteurs ne cessent de leur dire, vous êtes différent de tous les enfants de Cambo. Répétez-leur sangoï. Cela, ce sera une semence en eux. Que nos filles, que nos petits garçons sachent qu'eux sont différents. Ils sont porteurs de promesses. Répétez ça sans cesse. C'est ainsi que même la maman Moïse l'a fait avec Moïse. Elle répétait toujours à Moïse, toi tu es différent de tout le monde. Tu n'es pas fils de Pharaon. Tu es ici pour la circonstance. Amen. C'est comme ça, Abraham chaque jour répétait ça dans les oreilles d'Isaac. Et Isaac a cru. Il a dit, moi je suis différent. Je suis différent d'Ismaël. Et tous mes frères de que Mama Keturah a enfanté. Moi, je suis destiné à garder mon sang pur, avoir une vie pure, à ne pas me compromettre dans les choses sales de ce monde. Et c'est ainsi que nous disons à nos filles et à nos garçons, vous, gardez-vous pur. Ne vous mêlez pas à toute la sottise de l'internet. Éloignez-vous de cela. Amen. Amen. Ne vous laissez pas toucher. Vous aussi ne touchez pas des jeunes filles. Pourquoi? Dieu a une œuvre à accomplir avec chacun de vous. Amen. Amen. Et Isaac avait ça. Na Isaac, son papa, quand il parlait avec Eliezer, Isaac a suivi. Isaac, il faut pas qu'Isaac épouse une femme cananéenne. A dit très bien. Décidez-vous comme ça, c'est bien. Et il s'est retourné. Il a suivi. Arifuata. Mais comment ça va se passer? C'est alors qu'Abraham a engagé l'ange. Isaac a dit, oh, amen. Na Isaac, c'est l'ange qui va me chercher une femme. femme. Vous aussi, c'est l'ange qui doit vous trouver une sœur. Priez que l'ange qui vous a amené ici vous trouve une sœur. Vous aussi, priez que l'homme qui viendra soit suscité par l'ange du Seigneur. Pourquoi? Ce message que nous croyons a été apporté par un ange. Même dans nos maisons, l'ange est toujours présent. Même quand il y a des problèmes, l'ange est toujours présent. Dites même à vos enfants que moi, votre père, c'est l'ange qui m'a amené à la foi. Moi, votre maman, c'est l'ange qui m'a amené à la foi. S'il y a des problèmes, venez, l'ange là est présent. Les enfants comprendront que dans notre maison, nous vivons avec un ange. Amen. Amen. C'est comme ça que ce garçon, jusqu'à 40 ans, était tranquille. Et il attendait, il savait que les décisions que mon père est en train de prendre à mon égard sont de bonnes décisions. Et cela vient de Dieu. Parce que mon père lui-même, c'est l'ange qui l'a amené à avoir un fils comme moi. Amen. Amen. Nous sommes à Rebecca. Ça, c'est nous-mêmes. C'est ça la véritable église. Frère, avant que je n'évolue, vous allez voir que toute cette scène se déroule le soir. Abraham, Ibrahimu, quand il prenait la décision pour le mariage d'Isaac, quand Rebecca allait au puits, quand Eliezer arrivait au puits pour rencontrer Rebecca, c'était quand, vers le soir, la lumière apparaîtra. Amen. Amen. Vous allez trouver ça dans l'écriture. Toute cette scène se déroule au soir de sa vie. Toute cette scène, la rencontre entre Isaac et Rebecca, c'est toujours le soir. La rencontre entre Rebecca et Eliezer, c'est toujours le soir. Pourquoi? Le soir des âges de l'église, il y a des choses très intéressantes. Le peuple qui a été appelé vers le soir, frère, expérimentera Dieu de la manière la plus spectaculaire. Pourquoi? L'ange lui-même est celui qui appelle, l'ange lui-même est celui qui convainc, l'ange lui-même est celui qui nous conduit, l'ange lui-même est celui qui nous a permis. Amen. Amen. Et puis, Rebecca, comment se déroule la scène? Vous allez dire, frère José, tout ça, José, tu les sors d'où? Des écritures. C'est pourquoi, frère, le soir des âges de l'église, Dieu ne devait qu'envoyer une grande lumière. Nous, on n'est pas dans la confusion. Comme j'ai entendu tantôt à la morgue, quelqu'un prend carrément bien l'écriture d'un Thessalonicien 4. Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance. J'ai dit bien, c'est une bonne écriture. Appliquez quand il y a un cas de décès. Ou dira que ça, c'est un Thessalonicien. Maintenant, prêchez un Thessalonicien. Ananda Mupori. Il va en brousse. J'ai dit mon Dieu. Et c'est ça, prêcher. C'est pourquoi Dieu, pour Ismaël et les enfants de Ketura, il a dit, allez très loin, laissez mes enfants et seuls. Que Dieu vous bénisse. Genèse 24. Rebecca maintenant. Ça, ça n'est Rebecca. Verset 10. Moussara Kumi. Les serviteurs prirent 10 chameaux. Kabeba, bangamia Kumi. Parmi les chameaux de son seigneur. Katia bangamia bwana yake. Frère, quand tu as fait mon amour, Nduku, allez chercher regardez ces choses qu'on lui a chargées. Il partit. Akaenda. ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Regardez tous les biens du Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Ce soir des âges de l'église, hein, le messager de l'âge est venu avec tous les biens. Toute la parole fut révélée seulement pour nous. Voilà les biens Mali, que le Seigneur a donné en ces temps de la fin. Toutes les promesses yote, ici. Ikum. Il se leva Akalamuka, et alla en Mésopotamie à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, en Afrique, près d'un puits. À quelle heure? Au temps du soir. En Afrique, il est arrivé. Ça va. Il n'a même pas qu'un dia. Ce n'est pas le problème d'entrer dans la ville. Il faut que baka inja mukili. Il faut rester en dehors de la ville. Kukishima. Au puits. Pourquoi? C'est un appel à sortir. Sortez du milieu de mon peuple. C'est vers le soir que cet appel a retenti. Là, je suis dans 2 Corinthiens chapitre 6. Sortez du milieu de mon peuple. Et quand il est arrivé là, frère, quand vous suivez le commentaire, allez lire le temps de décision. Pas un temps de décision. Il y a un temps de décision. Il y a le temps de décision. Dans le temps de décision, c'est très long, je ne saurais pas. Frère Branham fait un bon commentaire. Il dit, d'abord Eliezer, pour accepter de partir, c'est quand Abraham lui a dit, dans cette affaire, l'ange sera avec toi. Et il fait un bon commentaire, il dit, tout prédicateur que le Seigneur doit appeler en ces temps de fin, l'ange est obligé de l'accompagner. Vous croyez ça? Même moi, Atamie, en ce moment, l'ange est avec moi ici. C'est cet ange-là qui vous parle. Je vous parle ma bouche. Quand Goy monte, mundo monte, Samu paradoxe, paradoxe. Qui que ce soit que vous connaissez, quand il se tient devant la chair, c'est l'ange lui-même ni qui nous saisit maintenant. Pourquoi? C'est l'ange ni qui connaît Rebecca. Rebecca. Amen. Amen. Lui s'arrête là-bas. Il dit que c'est une mission difficile. Mais je fais confiance parce que mon Seigneur Abraham m'a promis que l'ange là qu'il avait fait sortir de son pays sera lui-même dans la scène. Frère, vers le soir, Eliezer se met à genoux. Lisez sa prière. Il fait sa prière. On peut lire ça. Regardez verset 11. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir. C'est au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. C'est qui ça? Une parenthèse. Je fais une parenthèse. En Israël, frère, tôt le matin, c'était les femmes mariées qui allaient au puits ou bien à la rivière. Vers 11h-12h, toutes les prostituées. Amen. Amen. Et vers le soir, kabisa, les vierges, babikira, même la femme samaritaine, Samaria, Jésus, c'était vers 11h-12h, que la femme samaritaine est venue. Mais le soir, c'était uniquement les vierges. Nous sommes au soir, tuko à l'heure du rassemblement des vierges. Sa ya makutano ya babikira. des gens, des hommes et des femmes qui ne veulent rien d'impur, rien de la dénomination, rien du tribalisme, uniquement la parole de Dieu. Et nous sommes là. C'est pourquoi, quand Mundu prêche, ça nous blesse. Nous prions. Nous voulons que toute impureté soit ôtée de nous. Et nous sommes contents. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens, il est dit, sortez, séparez-vous, ne touchez à rien d'impur. Et je vous accueillerai. Nous sommes à cet état-là. Pour nous, frères, les Écritures, ce n'est plus des écrits. Nous sommes les Écritures rendues manifestes. Nous sommes ces écritures-là. Ces écritures ici, c'est moi. Ce qui est dit là-bas, parlez comme Jésus. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Nous aussi, dans ce qui est dit là, dans ce rouleau, il est question de nous. C'est pourquoi nous nous tenons là. Pour faire ce que disent les écritures. Amen. Amen. Très bien. Mzuri. Qu'est-ce qu'il a fait? Alifanya nini? Au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il lui dit maintenant, Éternel, Wamilele, Dieu de mon Seigneur Abraham, Mungu wa bwana wangu Ibrahim, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Les filles, la bonne traduction dit les vierges. Les vierges des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche. Pour que je boive, on y peut quoi qu'il m'y et qui répondra, bois, je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée, qu'elle soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler, qu'est sorti sa cruche sur le pôle Rebecca. Joe Mutungi à Rebecca inatoka maombi kuna isha ife. La prière vient un peu de terminer. Amen. Amen. Anangaria, jeune regard, fille anatokele. Il voit une jeune fille qui apparaît. Frère Branham maintenant fait un commentaire. Il dit Rebecca quoi qu'on a eu quoi pour. Subitement une fois lui dit. Gafra, sauti mwana mwambia, la muka wendo kashote mai. Debout va puiser de l'eau. Rebecca n'a fui à Kouika la fois de télévision. La voix lui dit, lève-toi, Wendo Kachote Mai. Va puiser de l'eau. Rebecca n'a fui à Kouika Jingine. La voix insiste, Rebecca, lève-toi, va puiser de l'eau. Wendo Kachote Mai. Je vous dis maintenant ce qui m'est arrivé. Na mionesha sana mingi lakini nifiki. Miranza kubeba bantu wa DGM. Je prenais les gens de DGM. Baranza kuluwe bus. Et il louait mon bus. Je les ai amenés à l'aéroport. Le matin, je les ramène. Un jour, nous arrivons à Shekinah Tabernacle. Je les entendais dire, regardez ces gens de Branhamistes. J'entendais qu'il y en a mis, me disait, je disais, qu'est-ce que cet homme, c'est différent de tout ce que nous suivons dans nos églises. Il disait que Jeff, c'est seulement, je vais te donner ce livre-là un jour. Nous avons fini les études et il ne m'avait pas donné. J'ai acheté un bus. On va te donner $50 par jour. J'ai dit ça va. $50 par chiku. Nous sommes arrivés les gens de Shekinah qui frère, à l'église. Tu vois les filles. Celles qui parlaient de moi. Ils disaient, regarde comment c'est naturel. Elles sont naturelles. Je me suis détourné. Niligeuka. Minangaria. J'ai regardé. Minasa, bon? J'ai dit, ça c'est à Kinshasa. Et où nous sommes Kinshasa? Nous sommes passés. Nous sommes allés retourner. Un jour vers 11h, je voulais partir. Comme une voie de commandement. Arrête. J'ai arrêté le véhicule. Descends, va demander les brochures. Frère, je serai né de nouveau. Frère, moi-même, je suis quand je n'ai rien à faire, je prends le Messie. Dans le Messie, Frère Branham m'explique le pourquoi de Malachi 4. J'ai dit que ces choses sont la vérité. C'est très loin. Et je disais qu'à Shekinah chez moi, c'est comme quand on va dépasser même l'Ikasila. Tu vas vers Kakila, je crois. Mais j'ai dit que c'est très loin. Et c'est Dieu qui ne voulait pas que j'aille dans les tonnerres. Ne voulait pas qu'il parte quoi dans ma mingou. Frère. Banduku. Et Dieu a arrangé les choses. Na mungu atengeneza mambo. Siku moya. Un jour. Voulait qu'on a pika. Il pleuvait. Mwila ruelle minangara ma clôture. Akuna kwa nyu kimbiri. Comme le pango il y avait nulle part. Voulait qu'on a quoi combien voulait qu'on a. Ça y a jan. La pluie devant comme il y a plus d'air. Mais maman maman mais d'accord. C'est fini. J'étais à pied. Quoi na tembele mkuu. J'avance. Je vois une petite barrière. Na una barrière kaloko qui osa kenyu kufunga kitu. Na semine ngio munilombe. J'ai dit que je vais entrer ici pour demander. Mine ngio je trouve l'huissier. Na je suis entré na kuta wa kuchunga. C'est cet homme là qui m'a prêché moi. Ni ule muntu wa nyubiraka. Comme mani ou mwamba. Ça va mani ou mwamba. J'ai dit que papa a sans problème on avait kitchen en partie. Il m'a donné une chaise. Minekal. J'étais là assis. Maintenant en me retournant. Ça sent goudieu kai. Je constate que c'était l'église. Nikaona sema ni c'est Nikanisa. Frère. Maintenant on vient de se. J'ai dit que Nikanisa hi asime ndio. Il a dit oui. Mon ami nini. J'ai dit vous croyez quoi? Asime nous nous croyons le message. Asime ton ami ni ujumbe nduku brana. Na sa bo. J'ai dit hein. Unyone c'est quoi? Dis-moi. Quand il a commencé à parler, il a pris son sa Bible Louis II. Akabe bilia ke Louis II. Oui, c'est en enyubiri. Oui, c'est commencé mais prêcher. J'ai trouvé. Moi-même j'ai dit que mina pata. C'est ici où je viens de dire. Donnez-moi ça. Il m'a donné mina enda kunyumba. Je suis arrivé à la maison. Deux semaines après. Ma juma mbili kisha. Une fois vient me dire. N'est-ce pas que urisema tena kwa budu? Mina se oui oui. Tu devais aller. J'ai dit à ma femme munyekema. J'ai dit à ma femme. Asona ta kwenda mina se mina enda kwa tabernacle. Tu veux aller où? J'ai dit que je vais au tabernacle. Asele njo na lande mista enda ka. Elle m'a dit que moi je n'irai jamais. Reste dans notre église. J'ai dit que toi tu restes dans notre église. J'arrive. Nafika, on dirait le prédicateur savait qu'il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois. C'est pourquoi je vous dis que c'est l'ange qui parle. L'ange a parlé à mon cœur. Hein. J'ai dit, j'ai trouvé Dieu. Je ne suis pas né de nouveau. Mais ces paroles ici m'aideront à naître de nouveau. Je reste ici. C'est ici le puits où Rebecca et Eliezer ont fait la rencontre. Amen. Amen. Et chacun ici a toujours un petit témoignage. C'est quoi ça? C'est le surnaturel quand Dieu appelle les élus. Amen. Amen. Dieu tel qu'il a appelé chacun de nous. Quand on a ce petit moya, il y a une action surnaturelle. Et la voix là qui te parle là, c'est ça Jésus-Christ. Ne cherchez pas quelqu'un qui puisse aujourd'hui te quand il parle, il parle sur l'arche. Où est l'arche? Sur nos cœurs. La voix, tu l'entendras de ton cœur. La conviction, c'est lui qui te dira crois. C'est lui qui te dira répands-toi. Frère, quand je venais là, j'avais été déjà baptisé au nom de Jésus-Christ. Moi-même, j'ai dit que je ne suis pas. Quand j'ai entendu l'évangile, ce jour-là, j'ai dit je ne parle pas. J'ai été voir le diacre. Diacre, on est embêté. Ça fait deux mois que nous sommes en train de faire. Nous j'ai dit que je suis d'ici. On a fait un nid. Qu'est-ce que vous faites? J'ai dit qu'on aille me baptiser. Ah bon? Il a appelé d'autres baptisés. Il a dit qu'il veut être baptisé. Et c'est ce dimanche-là. J'ai été conduit aux eaux de baptême. J'ai prié. J'ai demandé pardon. Et on m'a baptisé. Frère. Banduku. Dans les choses il faut Mungu anze mambo na wewe. Comme on a pas ta magumu. Lorsque vous trouvez des difficultés, vous tentez de coulisser les saoudiens pour convaincre. Demandez cette parole qui vous avait convaincu. Joye Jésus-Christ. C'est lui-même là Jésus-Christ. Et Rebecca. Na Rebecca. La voix a commencé. Saoudirian. Pendant que Rebecca était chez eux. Wakati de Rebecca kwa kwa. Wende kumai. Va au puits. Rebecca na beba paka mane. Rebecca plus. Maman je suis Shimu kumai. Asa pana maman minenda tu ni bebe. Elle a dit que non, je vais encore prendre d'autres. Inde. Maombi kunaisha Rebecca na fi. La pièce est terminée, Rebecca est arrivée. Binti, unipe kumai akunwa. Fille, donne-moi à boire. Rebecca na mpa mai. Rebecca lui a donné. Angara bate ou le frère. Regardez les élus. On ne les exhorte pas. Elle-même. Je ferai boire tes chameaux. Moi-même, je commençais à jeûner. Je vendrai prier chaque vendredi. Moi-même, je ferai un effort pour arriver à temps. Ces choses vous entendez. Ce sont des Ismaël de tel Rebecca. De Rebecca. Ils ne sont pas exhortés. On ne les exhorte pas. Regarde Rebecca. Je ferai boire. On ne lui avait pas demandé. Nous aussi. Le culte commence à 16h. Moi-même, je me dis. Moi-même, il n'est pas. Il faut que je commence à 16h-10. À 16h-10. Quand il est à 16h-5. Lorsque j'arrive très tard, c'est 16h-5. Demain vendredi, il y a prière. Quand est-ce que tu m'as oublié? Jeune fille, on aime bien maman. Maman, il faut que je me mange. Qu'est-ce que je vais prier? Il faut que je fasse des travaux aujourd'hui. Demain, j'irai qui à la prière. Je l'ai dit aussi. Je viens aussi à la prière. Lui-même, personne ne le pousse. Je ne pense pas que je vais prier. Comment aussi aller à la prière comme tes amis? Comment aussi aller à temps? Oh, ce sont des arrangements humains. Ces gens là, ce sont les Ismaëls. Mais Rebecca elle-même s'engage dans la chose. Frère, Banduku, pour faire boire 10 chameaux. Chameau moya na kunoka 200 litres. Ngamia moya boit 200 litres d'eau. Vous me suivez? 200 litres, un chameau moya. 200 litres, c'est ce qui fait le plein d'un chameau. Il y en a maintenant. Ça fait 2000 litres. Nikusema ni 2000 litres, il y a match. Rebecca. Et Rebecca? Une heure du temps à combat, Mungu. Aina mambo. Ça pour prier Dieu, akuna mambo. Il n'y a pas de problème. Ah, bane tukaushaka sana. Oh, ils nous font faire. Auna Rebecca. Tu n'es pas Rebecca. Auna Rebecca. Tu n'es pas Rebecca. Arrivez à temps l'église. Auna Rebecca. Vous n'êtes pas Rebecca. Si komba, nous prions, chakula, jeûne, c'est une vie. Ni maisha, ce n'est pas pénible. Acha busharati, abandonnez ce n'est pas pénible. Amen. Acha barafiki babaya, ce n'est pas pénible. Toka mu mambo politique, ce n'est pas problème. Acha bintu bya dunia, aina mambo, ce n'est pas un problème. Acha kutakata, aina mambo. Ce n'est pas un problème. Acha mamesh, aina mambo. Ce n'est pas un problème. Sois soumise à ton mari, aina mambo. Ce n'est pas un problème. Vous voyez? Non. Les Rebecca, ba Rebecca, la parole de Dieu n'est pas pénible pour eux. Aina ko ya ngufu kwabo. Est-ce qu'il y a des Rebecca? Eti ku ba Rebecca pa? Voilà pourquoi les choses de Dieu, je suis Rebecca. Je suis très passionné en les voyant. Tu es Rebecca. Dis au Rebecca. Mais à ces gens-là, c'est le signe qui montre que vous êtes Ismaël. Je ne sais pas comment. Mais nous apportons la parole à Rebecca. Parce que Sababu, tout ministre, wote, il est son type, c'est Eliezer. Dieu nous a suscité chez Nabamundu Nabangoyaba. C'est Nabangoyaba. Parce qu'il y a Rebecca ici. Sababu, y a Rebecca ici. Amen. Amen. Il y a Rebecca. Il y a Rebecca. Mou Rebecca. Ba Rebecca, frère. Le Rebecca Banduku, kama na mini, lorsqu'il croit, anashika neno, il écoute la parole de Dieu. Lui-même retourne à la maison. Il dit, ma femme, mambo ma film ya bakarashika, les problèmes des films de Karishika, non. Kama tunakufisha, si, misipende mambo ya kikasai hapa. Si y a deuil, nous ne voulons pas les choses tribales ici. Lui-même, il prend des décisions. Misipende mambo ya kikasai, je ne veux pas des choses tribales. Misipende. Je n'en veux pas. Pour marier, ma cérémonie. Je ne veux pas de cérémonie. Mutoto ni wangu. Ma fille, frère, on y peut marier. Nduku, donne-moi la dot. On y peut autant. Donne-moi autant. Frère, il quoi y a mingi. Oh, vous en avez autant. L'état yo, frère. Ah, j'ai autant. L'état. Bibi yako tayari. La femme, elle est prête. Amen. Amen. Apana se, unifungu le kinwa, fanye vu muripe tike. Atuna mubile bintu, c'est de l'impureté. C'est pourquoi mouma fête yetu. Voilà pourquoi dans nos fêtes, nous veillons que ça soit parole sur parole. Amen. Nous ne voulons rien du monde. Parce que nous, ce qui nous attire, c'est la parole de Dieu. Dans psaume 119, je crois, verset 161-162, il est dit, mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Mon cœur, frère, s'agite quand il s'agit de la parole. Mais quand il s'agit des problèmes de Kassain, de Katangé, nous sommes incrédules à des choses comme ça. Nous sommes même insensibles. Ces choses n'ont aucun effet en nous. Amen. Amen. Que tel gagne les élections, que tel perd, nous sommes insensibles. Celui qui est là, nous prions pour lui parce que c'est un commandement divin. Amen. Mina kufusha, j'ai deuil. Akuna frère qui a kutengeneza hapa. Il n'y a rien à arranger. Uya nakufa nesha kwenda. Celui qui est mort est déjà parti. J'ai connu une aventure dernièrement à Lubumbashi. Niliona mambo mwa ku Lubumbashi. Non. Apana. Nous les Bakongo. Chez Bakongo. Je dis ces choses ne m'engagent pas. Mambo ya nyangarimi. Vous êtes sûr? Je dis oui. Kwati kama nasema ndio. On verra, je dis il n'y aura rien. Nasema kutakuwa kitu. Balangara so muto kongu. Ils ont vu que c'est. Mais ça hapa mwa, mnakuta hapa ni Rebecca wa Biakwera. Hakuna kitu. Je dis que vous avez trouvé une véritable bon, Rebecca nyari. Bon, va dire ceci. Tutasema hivi. Mimi na sema non. Je dis non. Vous ferez ce que je vais dire. Je dis que vous ferez, mtafanya kile mimi nasema. Qu'est-ce que toi tu nous dis? On nasema nini? On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Tafanya hivi, tafanya hivi. Je dis à la veuve. Namwambia sois tranquille. Wewe pate avec nous. Et les choses se sont déroulées comme l'ange me l'a dit. L'ange nous accompagne partout. L'ange nous accompagne partout. C'est pourquoi le Seigneur Jésus disait, ne craignez rien. Ne craignez rien. Pourquoi? Le monde et le prince de ce monde, je l'ai vaincu. Et dans la victoire de Jésus, nous nous sommes dedans. Amen. Rebecca arrive. Rebecca nafika. Frère. Bandou. Les choses qu'on lui avait pas demandées, elle-même elle commence à les faire. On ne lui avait pas dit de jeûner. Elle-même commence à jeûner. Changer ma coutume. On ne pas dit de changer son habillement elle-même. Elle se dit, je à Christ à ça, pour les chrétiens, ça ne convient pas. Ma pantalon est recouillé. Les pantalons qui étaient ici, elle dit que ça, c'est chose de Simon. Qui te l'avait dit? L'ange l'a convaincu. Malaïka, arrive-moi Kikishi. Mais bah Ismaël, mais les Ismaël, il faut mundo aseme, il faut que mundo parle, aseme, parle. Oh, bashi, pas que fait qu'on aseme. Tout à fait. Comme il parle, oh, qu'est-ce qu'on va faire? Fils de Ketura. Oh, batoto ya Ketura. Fils d'Agar. Batoto ya Agar. Kunon. Vous voyez? Voilà pourquoi ne venez pas se joindre au Kambof Tabernacle. Kuya parce que Mungu venez parce que le Dieu éternel vous a appelé. Que Dieu vous bénisse. Eliezer, c'est le type de chacun de vous. Frère, Bandouk. Lui ne bouge que quand il y a surnaturel. Chaque jour, il vivait avec Abraham. Il a ce qu'on a dit chez Abraham. Et on a ce il entendait. Il y a le baptême du Saint-Esprit. Il y a la nouvelle naissance. Il y a la sainteté. Il y a la joie du salut. Il y a la présence de l'ange ici. Et on a bisiké à wa. Il les écoutait. Mukino ya mubiri Abraham. Dans la bouche du prédicateur. Mais, mais lui dans sa vie. Aucune expérience. Aucune voix. Rien du tout. Et Dieu dit. Na Mungu anasema. Est-ce que et ce garçon, Ukijan, je ne peux rien faire avec lui. Si vous y passez, vous voyez qui tout naît. Mungu resaidiak. Dieu avait aidé. Mubantu, cet homme ici, c'est un Libanais. Oui, muntu, ni muntu au Liban. Damas ni mu Liban. Damas, c'est ça. Mu Syrie plutôt. Ni muntu au Syrie. C'est un Syrien. Ni muntu au Syrie. Mais qu'Abraham a engagé. Oule Ibrahim a remué comme case. Je viens na way. C'est toi comme na ça. Way dada. C'est comme ça aussi toi ma sœur. C'est nous dire retrouver quoi s'engager. Peut-être te retrouver chez ta tante. Chez ton oncle. Mais yé Mungu anamuita. Mais lui Dieu l'avait appelé. Quoi grand frère wako. C'est Mungu anamokola. Dieu l'avait sauvé. Je viens tout mon apatika. On a changé. C'est comme ça que tu comme muyomba. Tu dis que mais hier quoi ça quoi mes messages. Lui l'avait déjà appelé chez moi. Eh, je me suis retrouvé aussi toi. Eliezer. Eliezer. Ana shtuka kwa Abraham. Il s'est retrouvé chez Abraham. Mungu anaita Abraham. Dieu appelle Abraham, 25 ans après. Miaka makumi mbili na tano Eliezer, eko paka vile membre de l'église. Eliezer est toujours comme ça, membre au kanisa. Na wewe Eliezer uko hapa. Et toi Eliezer qui es ici. Ça fait longtemps que tu es ici. Unakuwa muda mrefu kwa. Mungu sasa kusaidie. Que Dieu t'aide. Hivi tunaanza mambo ya Eliezer. Comment commence à parler d'Eliezer? Depuis qu'ils étaient sortis de Babylone. Depuis qu'ils étaient sortis de Babylone. Na ile savait comme kana. Et au temps ils étaient à Kana. Isaac Nazari. Isaac est fune. 40 ans. Makumi ine ya miaka. 65 ans. Kuna kwema 16 na 5 ya miaka. Eliezer kupaka membre d'église. Eliezer était toujours membre wa kanisa. Mwangalie vifuko. Regardez au bétail. Tukuna besoin abantu kuyanga. Nous avons besoin déjà de vifuko qui doivent apporter à manger. Mabile bi makashi byote ko ne bifanya. Toutes ces choses il les faisait. Mais bila kwa mu Christ. Mais sans pourtant être chrétien. Muko apa? Vous êtes ici? C'est comme ça qu'il était aussi Eliezer. Je ne dis pas qu'il a amené à manger au travail à l'église. Mais aujourd'hui, ceux-là qui étaient seulement en faisant des travaux, aujourd'hui c'est votre jour. Arrivé un jour, Abraham lui dit, Ibrahim allons aussi adorer. Mets ta main sur ma cuisse. Weka mkono yako pa mkulu yako. Twende kona weku kanisa ukashike sauti ya Mungu. Allons aussi à l'église pour écouter la parole. C'est ça, mettre ta main sur ma cuisse. Njoo weka mkono pa mkulu. Je vais te rendre participant à la présence de l'ange. Ya wepo ule malaika. Je veux que tu croies le message que l'ange m'a donné. Napenda waamini ujumbe le malaika alimpatia. Eliezer met la main. Eliezer akaweka mkono. On lui a dit tout ce qu'on lui avait dit. Eliezer a dit toutes ces choses ici difficiles. Est-ce que moi je saurais? Bon, ça c'est. Comme les filles à Chichik. Et si cette fille-là n'accepte pas, qu'est-ce que je ferai? Chonga. Attendez. Abraham a mon Ibrahim Genèse 25, 24. Mwanzo makumbili na ine. Genèse 24. Kitabu mwanzo makumbili na ine. Genèse 24, verset 5. Le serviteur lui répondit. Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Tu es arrivé pour la première fois. Ils n'ont pas de boucles d'oreilles. Dans les cheveux, il n'y a pas de cabello. Elles ne sont pas amplifiées. Mais là, tu regardes ce que moi je saurais vraiment. Ma tante qui m'a amené ici, ses filles ici. On tu regardes, tu vois l'une de votre école. Voilà pourquoi cette fille n'aime pas les jeux des garçons. Voilà pourquoi ce garçon ne triche pas à l'école. L'ange lui-même te prêche. Regarde un peu à gauche. Regarde un peu à droite. Tu regardes toi-même, tu te dis. Mais cette sœur, elle est naturelle. Qui te dit ça dans ton cœur? C'est l'ange. Est-ce qu'il y a des frères et des sœurs à qui l'ange une fois a parlé comme ça pour leur première fois d'arriver au tabernacle? Il y en a. Tu regardes ici la manière dont ils adorent. Prions Dieu. Toi, tu t'agenouilles. Ils ont fait longtemps. Tu regardes. Ces gens ici, moi, je ne devrais j'amener ton fils là-bas. Qu'est-ce que je vais faire? Non. Attends seulement. Amen. Est-ce que je serai au moins jeûné? Est-ce que je serai jeûné pendant 3 jours? D'abord, je ne serai pas. Mon estomac fait toujours mal. Est-ce que tu as mardi, mercredi, venir à l'église mardi, mercredi, vendredi? Et encore jeûné le vendredi. Et dimanche encore. Est-ce que moi je serai? Un jeune homme te courtisait. Et tu commençais même à accepter. Afin que tu sois sa copine. Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Est-ce que je lui dirai que j'ai déjà résisté? Est-ce que je saurais lui résister? Pour me donner même l'argent. Maintenant, cette jeune fille, elle me plaît beaucoup. Que je lui dise qu'on commence à aller au tabernacle, elle n'acceptera pas. Maintenant, qu'est-ce que je ferai? Maintenant, lorsque je vais retourner ma femme, je lui dirai que j'ai écrit au message. Compliqué. Elle faut commencer à me compliquer. Mon mari, quand je retourne, mon mari aime beaucoup les mèches et les pantalons. Mais ça sera comment? Ça, il est... c'est Eliezer qui se posait des questions. Eliezer qu'on a joué. Notre capacité vient de l'ange. La parole de Dieu, c'est très succulent. Abraham a dit, non, ce n'est pas ton problème. Verset 6. Abraham lui dit, Ibrahim a non, ne fabrique rien. Même au baptême, au sein de baptême, n'y va pas parce que quelqu'un d'autre est parti. Non, il ne faut pas faire ça. Ne le fais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé. Il faut qu'il parle à chacun. Voyez l'appel? Vous, nos enfants, il faut que Dieu vous parle. Il faut que Dieu ne déménagez pas seulement, vous quittez le Kodim, vous entrez dans l'église. C'est comme si vous sortez en 7e et vous entrez en 8e. Vous écoutez. Ne déménagez pas. Serge et maman Iguette, Serge et maman Iguette, c'est Dieu qui vous a appelé. Josué, cherche Dieu. Papa François et maman Iguette. Ils ont leurs problèmes. Toi aussi, fais un effort afin que Dieu puisse te parler. Que Dieu vous bénisse. Ne dites pas. Comment seulement venir dans notre église? Regarde, tous tes amis ont été baptisés. Tes amis sont pas pour interpréter. Ça, c'est un arrangement humain. Ne faites pas des choses comme ça. Regarde, celle-là, elle était à la chorale. On l'a épousée. Bonjour, Mousset. Je voudrais aussi entrer à la chorale. C'est un arrangement humain. C'est comme ça que Ismaël est né. Un arrangement humain. Bon, moi aussi je vais devenir caméraman. Ces choses ici sont pour les saints. Pour les toucher, il faut que vous soyez saints. Il faut que Dieu vous aide déjà à parler. Si ce n'est pas comme ça, vous prenez le caméra. C'est ça le temps de vous vanter. Le jour d'interpréter, il faut qu'il sape, qu'on puisse me voir. C'est comme ça qu'il voit les gens venir ici. Vous voyez que c'est le temps de se Je ne les ai jamais parlé. Quand Dieu te parle, tu t'humilies. On a dit qu'est-ce. Frère, c'est de jouer avec les choses de Dieu. qui m'a parlé, qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, c'est là que tu prendras. Verset 8, si la femme ne veut pas te suivre, il n'y a pas de problème. Tu ne commets pas de péché. Seulement vers la fin du verset 8, tu n'y mèneras pas mon fils. Ça, je ne veux pas. Isaac wango ende, que mon Isaac aille, qu'il aille faire des choses là-bas. Misipende we kubeba Isaac, je ne veux pas que tu prennes Isaac de le faire entrer dans l'église owe, afin qu'il épouse, afin qu'elle soit épousée, afin qu'il soit interprète, pour qu'il puisse chanter la chorale. Si tu le fais entrer Isaac comme ça, na Ismaël, Isaac et Ismaël ne se différeront en rien. Misipende, je ne veux pas cela. Bazazi, est-ce que les parents sont ici? Toacheni manigansi, ce sont toutes ces choses qu'on fait derrière nos enfants. Oui, toi, tu as seulement l'enfant. Écoute. Arrête-toi là-bas. Arrête-toi là. La prochaine étape. Il est mort. Supplie Dieu. Omba mungu. Touche le cœur de ma fille. Touche le cœur de mon fils. Parle à mon mari. Parle à ma nièce. Quelque chose. Il est celui qui suscite la foi. Niye ule joko na la mushaka imani. Amen. Amen. Tu ne mèneras pas mon fils. Ne le prends pas de faire entrer par force. Si tu le fais ainsi, oh, là tu as fait mal. On est la bicha. Là tu as très mal agi. C'est fini, tu vas nous donner Ismaël. Et les enfants de Ketura en grand nombre. Et nous dirons que l'église est grande. Des ânes sauvages. Des ânes sauvages. Verset 9. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur. Son seigneur et lui jura d'observer ces choses. Amen. Est-ce que c'est clair? Pourquoi nous apportons ça en ce moment? Il faut que chacun vérifie son expérience. La vie chrétienne, frère, quand Dieu te parle, c'est alors que tu prends la décision. Amen. Les décisions vont nous accompagner jusqu'à l'enlèvement. Quand la parole est apportée, je me rends compte que Dieu dans ce coin. C'est ce que je faisais. Je prends une décision. Chaque fois que l'évangile est apporté, il me redresse. J'accepte la correction. Je m'aligne. Toute la vie chrétienne, toute notre foi, c'est décision sur décision. Hébreux 6, pour terminer. Hébreux 6. On termine maintenant, il est déjà 18h juste. Le Seigneur m'a aidé quand même. Mais je n'ai pas lu Frère Branham. Il y a beaucoup de choses. Hébreux 6. Hébreux 6. Suivez maintenant attentivement. Vous les Rebecca. Mweba Rebecca. Verset 9. Nous parlions ainsi. Pourquoi nous parlons ainsi? Il ne faut pas joindre les enfants à l'église. Il ne faut pas joindre ta femme à l'église. Et toi-même, tu ne te joins pas à l'église. Nous ne voulons pas que les gens soient des Ismaël en ce lieu ou des fils de Ketura. Quoi que nous parlons ainsi, bien-aimé, nous attendons pour ce qui vous concerne. Nous attendons pour ce qui nous concerne tous des choses meilleures et favorables au salut. Nous aimons toute personne de bonnes choses qui se retrouvent dans le salut. C'est tout pour ce que nous prêchons. Nous voulons que sur chaque soeur, chaque frère, qu'il arrive à être sauvé véritablement. Voilà pourquoi vous avez vu Ngoï Chouette prêcher la voix du salut. Nous voulons que les gens soient vraiment sauvés. Que Jésus-Christ soit dans la vie de chaque frère et chaque soeur. Voyez, des choses meilleures et favorables au salut. Car parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Lorsque vous croyez, sachez que Mungu, Dieu paye toujours. Même si vous étiez en souffrance, un jour, il va vous relever. Même si vous n'avez pas de mariage, un jour, il vous accordera le mariage. Même si vous n'avez pas d'enfants, un jour, vous serez surpris. Même si vous n'avez pas d'emploi, un jour, vous verrez qu'il y aura un emploi. Amen. Amen. La Bible est très bonne. Biblia iko mzuri kabisa. Dieu n'est pas injuste. Mungu anamzalimu. Pour oublier votre travail. Dieu kusabwa kazi. Et l'amour na mapendo que vous avez montré pour son nom. Ile mlionyesha juu ya jina lake. Ayant rendu. Benye kufanya. Et rendant encore. Na benye kufanya tena. Des services au saint. Makazi kwa takatifu. Dada nduku. Vous voyez un enfant de Dieu affamé, venez l'aider et fermez votre bouche. Il vient chercher de l'aide, donnez-lui. Il cherche à qui peut l'emprunter quelque chose. S'il ne paye pas, fermez seulement votre Dieu n'est pas injuste pour oublier ce travail-là. S'il y a une soeur qui a fait ça, une cotisation. On passe à la cotisation. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. Quelles ailes de qui? Les ailes de qui? 25 ans. Abraham attend. Ibrahim alichunga. Zélé toujours. Alkona bidi pak. Adorant toujours. Mwenye kuabudu pak. Persévérant. Mwenye kuakankamana pak. Jusqu'à 40 ans. Kufika na makumi ine na miaka. Il ne s'était pas dit. Ashikusema. Mina kombea iphone fa maisha yangu. Je suis déjà grand, il faut que je fasse ma vie. Il attendait le temps de Dieu. Alkona ngoja wakati ya Mungu. La jeune fille ici. Binti huyu. À son âge là, elle était toujours chez ses parents. Atama Facebook na tokelea. Même le Facebook paraîtrait. Elle était toujours, elle a gardé sa virginité. Bubikira yaki. Amen. Amen. Eliezer. Eliezer. Chico d'Arance kwa kanisa. Tous les jours, il venait à l'église. Abraham. Il a écouté Abraham. Il n'était pas, il ne faiblissait pas. Ukumu pagano. Tu es païen. Tu n'es pas encore né de nouveau. Il disait que c'est la vérité, je ne suis pas encore né de nouveau. Je suis un païen. Mais, la kini, Mungu, c'est Dieu ici Abraham, qui a appelé Abraham. Il est capable de faire quelque chose avec moi. Amen. Amen. Jusqu'au jour où l'ange a traité avec Eliezer aussi. Mundo asimichambulake. Mundo ne vous injure pas. Mundo parle à Eliezer. Mundo yako nasema ni kwa Eliezer. Pour dire que Eliezer. Kwa kumwambia Eliezer. Il y a un jour aussi pour toi. Uko na kwa kuna wewe kukusiku. Amen. Amen. Nous voulons que chacun montre le même zèle. Penda tuone kila mmoja apate pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ile matumaini ya utume. En sorte que kusudi vous ne vous relâchez. Mushi. Ileke kamwe. Même si je prie, je prie, je ne vois rien, je n'abandonnerai pas. Donc, depuis que j'ai commencé à prier, c'est alors que les choses s'empirent encore. Je n'abandonnerai pas. Parce que Mungu, ça va vous dire ici, j'ai déjà vu des gens qui l'ont prié. Ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui sont ceux-là. Ni bana, ni bale, Abraham, Ibrahim, Isaac, Isaac, Jacob, Jacobo, Mardoché, Mardoché, Josué, Joshua, imitez ceux-là. Par la foi imani, et la persévérance kudumu, sont arrivés dans la promesse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous levons maintenant. Que chaque Eliezer, que chaque Rebecca, qu'il a Rebecca, que chaque Isaac, qu'il a Isaac, que chaque Abraham, qu'il a Ibrahim, parle maintenant à Semesasa, au Dieu qui lui avait parlé. Tu lui dis, ceci. Ces paroles imaneno, ne sont pas de José. Aina ya José. C'est l'ange ni malaika, qui est ici. Et quoi pas? Seigneur, tu me connais. Ce que tu as fait autrefois avec ces gens-là, tu es capable de le faire avec moi. Je suis un homme faible. Tu connais ma conduite. Tu connais ma nature. Tu connais mon esprit. Tu me connais très bien. Tu connais la condition dans laquelle je vis avec mes parents, ou dans ma famille, ou avec ma femme, ou avec mon mari. Viens à mon secours. Prions.